C'est fou! 89. Massive Plante, soyez Massive Plante, je m'appelle Massive Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 24 avril 2017, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologies, médecine, merci, sciences et le segment Geek CX. Dans quelques minutes, on va faire Tout ce qui bouge, la chronique sur Tout ce qui bouge. On a aussi plus tard Samuel Girard qui s'en vient dans la deuxième demi-heure avec sa chronique sur les jeux vidéo rétro. On parle de Super Nintendo cette semaine. Alors, on a débuté l'émission avec une pièce de Shintaro avec Hanging. Et maintenant, on va entendre une pièce en fait qui rend hommage à Moana, le plus récent film animé là, de Disney, How Far I'll Go, en version chiptune. Pourquoi pas? On écoute ça. MPS, le Mathieu Plante Show, et juste après, c'est Tout ce qui bouge. Thank you. Grease avec une pièce du film Moana de Disney, How Far I'll Go. Je sais que c'est bizarre d'entendre ça, Mathieu Plancheau, mais j'ai bien aimé. Mais non, c'est vrai, oh, j'oublie tout le temps qu'on commence l'émission avec tout ce qui bouge. Un jour, je ferai une introduction pour la chronique Tout ce qui bouge, mais c'est CLX, donc le segment de nouvelles, mais version transport et tout ce qui bouge. Commençons à pied avec une heure de course qui pourrait vous faire gagner 7 heures de vie. Quelle que soit l'intensité de leur pratique sportive, les personnes qui courent vivraient 3 années de plus que celles qui ne courent pas. La course à pied apparaît comme l'un des moyens les plus efficaces d'augmenter son espérance de vie. Coureurs du dimanche, ne vous désespérez pas face à l'effort. Une nouvelle étude suggère que la course à pied vous aide à vivre plus longtemps, même si vous n'êtes pas un champion de marathon. Des chercheurs américains ont ainsi trouvé que, par rapport à des personnes qui ne courent pas, ceux qui pratiquent la course à pied vivent en moyenne 3 années de plus, même s'ils courent lentement ou occasionnellement, ou fument, ou boivent, ou sont en surpoids. Aucune autre forme d'exercice physique étudiée n'avait un tel impact sur la longévité. Il y a 3 ans, une étude de Cooper Institute de Dallas avait trouvé que 5 minutes de course par jour suffisaient pour favoriser la longévité. Suite à ces résultats, les chercheurs ont été sollicités par le grand public et d'autres scientifiques pour savoir si d'autres activités, comme la marche, pouvaient être bénéfiques. De plus, des adeptes de la course à pied se demandaient si courir de longues distances pouvait être néfaste. C'est pourquoi, dans une étude parue dans Progress in Cardiovascular Disease, les chercheurs ont analysé les résultats d'autres études de grande ampleur sur l'association entre le sport et l'espérance de vie. Cette nouvelle revue de littérature renforce l'idée que la course favorise la longévité. Les données cumulées indiquent que, quelle que soit la durée et la distance, la course à pied réduit le risque de mort prématurée de 25 à 40. Les chercheurs ont fait aussi d'autres calculs. Par exemple, ils ont trouvé que si les personnes qui ne couraient pas dans ces différentes études s'étaient mises à la course à pied, il y aurait eu 16 % de décès en moins et 25 % de crises cardiaques fatales en moins. Ils se sont aussi intéressés au rapport entre le temps passé à courir et les années de vie gagnées. En moyenne, les coureurs étudiés couraient 2 heures par semaine. Un coureur type passerait donc un peu moins de 6 mois à courir sur 40 ans, mais son gain d'espérance de vie serait d'environ 3 ans. Concrètement, 1 heure de course rallongerait l'espérance de vie de 7 heures. Bien sûr, ces gains ne sont pas infinis. On ne peut pas devenir immortel en courant toujours plus. Le maximum de gain d'espérance de vie serait de 3 ans. D'après Doug Chulli, qui s'exprime dans le New York Times, les coureurs atteignent un seuil de gain d'espérance de vie avec 4 heures de course par semaine. D'autres activités physiques favorisent l'espérance de vie, mais pas autant que la course à pied. La marche, le vélo réduisent le risque de mort prématurée de 12 %. Alors, pourquoi la course est-elle aussi efficace? Peut-être parce qu'elle permet de lutter contre les facteurs qui favorisent les morts prématurées, comme l'hypertension, les excès de graisse corporelle, entre autres. La course à pied améliore aussi la capacité aérobie, donc d'endurance, un des indicateurs de santé à long terme. Dans le même domaine, les bracelets connectés ne permettent pas de perdre du poids, nous dit-on. Après les excès de chocolat de Pâques, voici revenu le moment de songer à sa ligne, nous dit Futura Santé. Les beaux jours incitent aussi à pratiquer un sport en extérieur, qu'il s'agisse de marcher, courir ou de faire du vélo. Alors pourquoi ne pas s'équiper de bracelets connectés pour suivre ses efforts? Déclinés en différentes couleurs, pour vous de nombreuses fonctions, ils sont à la mode et sont censés vous aider à garder la forme. Une étude parue en septembre dernier suggère pourtant qu'ils n'apportent aucun bénéfice pour perdre des kilos en trop. Pratique léger, les bracelets connectés se veulent à la pointe de la santé électronique pour suivre votre santé, votre activité physique et vous inciter à bouger. Mais ces bijoux de technologie moderne sont-ils efficaces pour perdre du poids? Eh bien non. Des chercheurs de l'Université de Pittsburgh ont réalisé une étude sur 2 années avec 470 personnes obèses ou en surpoids, dont l'IMC était compris entre 25 et 40. Âgés de 18 à 35 ans, les volontaires étaient surtout des femmes à 77 %. Les participants ont suivi un régime faible en graisse et avaient pour consigne d'augmenter leur activité physique. Ils se rendaient également à des sessions de conseil en groupe. Au bout de 6 mois, ils ont été séparés en 2 groupes. 233 personnes avaient suivi de leur alimentation et de leur activité en ligne. Et les 237 autres ont utilisé un tracker d'activité FitCore de la compagnie Body Media. D'après les résultats parus dans American Medical Association, ceux qui ont utilisé le tracker d'activité ont perdu moins de poids, 3,5 kg, que les autres à 5,9. Le tracker d'activité n'améliorait pas la perte de poids, mais dans les 2 groupes, la composition du corps, l'alimentation et l'activité physique s'amélioraient. Il faut noter que cette expérience a été réalisée entre octobre 2010 et octobre 2012 avec des trackers d'activité placés à l'avant-bras et non pas sur le poignet. Pour expliquer les résultats, John Jukicic, principal auteur de ces travaux, suggère que les bracelets d'activité fournissent un faux sentiment de sécurité. Conséquence, ceux qui les portent ne prêteraient pas suffisamment attention à leur comportement en comptant un peu trop sur la technologie, ce qui a bien du sens. On reste connecté avec Ford qui invente le lit bébé connecté qui simule une promenade en voiture. Tous les parents le diront, parfois le seul moyen d'endormir le bébé, c'est de l'emmener faire un tour de quartier en voiture. Rien de tel, en effet, que les vibrations du moteur et le défilement des lumières des lampadaires dans l'habitacle pour bercer un nourrisson et le plonger en quelques minutes dans un sommeil profond. Si elle est efficace, l'opération a cependant tout de la corvée, sans parler de la délicate opération du transfert du bébé du siège automobile à son lit. Pour les parents épuisés, Ford a peut-être inventé le moyen ultime de feinter bébé qui est le Max Motor Dreams. Le Max Motor Dreams est un lit bébé connecté bourré de technologie qui reproduit à la perfection les sensations éprouvées par l'enfant quand il est embarqué à l'arrière d'une voiture lors de trajets de nuit. Un petit moteur placé sous le plancher du lit imite les vibrations de la route. Des micro-ampoules LED placées sous des coques plastiques sur le pourtour du lit reproduisent les lumières défilantes de la ville, comme les feux rouges, lampadaires. Enfin, pour personnaliser l'expérience de votre enfant grâce à une application pour smartphone, vous pouvez même capturer l'ambiance sonore d'un trajet donné, par exemple les bruits du moteur de votre voiture ou de vos conversations, les conversations des parents ou des gens dans l'automobile, et la diffuser ensuite via une petite enceinte, une colonne de son placée sous le berceau. C'est pas génial, ça? Les premières vidéos mises en ligne par Ford montrent les parents testeurs vous garantissant que bébé s'endort sans broncher. Évidemment, il va falloir voir si ça fonctionne pour vrai, mais Max Motor Dreams n'est pas encore disponible sur le marché, ce n'est qu'un prototype. C'est suffisamment avancé, par contre, pour que Ford en fasse la publicité, mais le constructeur attend de connaître les réactions du public pour aller plus loin. Un article de Clubic.com. Toujours en voiture, mais cette fois-ci, une voiture volante. Hein, 2017, hein, ça s'en vient, les voitures volantes, j'imagine. Le constructeur Aeromobile a ouvert les précommandes de son nouveau modèle hybride de voiture volante. Mais avant de mettre les mains sur le volant, il faudra peut-être un petit peu de patience et surtout beaucoup d'argent. Les premières livraisons n'auront lieu qu'en 2020. On compte 1,3 million de dollars US pour en faire l'acquisition. 2017, donc, aller de la voiture autonome et maintenant peut-être de la voiture volante. L'un des programmes les plus avancés en la matière, celui de l'équipe internationale Aeromobile, installée en Europe centrale, attaque la phase industrielle en ouvrant son carnet de commandes. L'Aeromobile est impressionnante sur papier, nous dit-on. Avec son design parfaitement hybride entre une voiture et un avion, elle promet de passer d'un mode à l'autre en moins de 3 minutes. Les ingénieurs promettent une autonomie moyenne de 700 km sur route et 750 km par la voie des airs. Vous ne traverserez donc peut-être pas l'océan d'un coup sec, mais bon. Côté vitesse, seulement 160 km/h au maximum sur la route et 360 km/h en vol, mais l'Aeromobile compensera par une sécurité très poussée. Tout est prévu pour voler, par exemple, même par temps exécrable. Un parachute amortira une éventuelle chute, la voiture pouvant même amerrir. Le concept de voiture volante doit encore faire ses preuves. Aeromobile joue gros pour attraper le mauvais exemple causé par le crash de ses prototypes en 2015, mais qui n'a jamais rêvé de posséder un véhicule volant personnel, nous demande cet article. Plusieurs constructeurs croient au concept. En passant, Explorer ressuscite l'esprit des pionniers français d'automobile avec un prototype qui devrait être montré au public au salon de Bourget. On attend aussi avec impatience de voir ce que Airbus fera avec son projet Pop-Up, on en parlait la semaine passée. Et des dizaines de startups développent des projets concurrents profitant des progrès techniques du drone, des capitaux abondants dans la tech et du coup devenu très abordable de l'électronique. Reste deux problèmes, par contre, à quand un décollage vertical et des batteries vraiment endurantes? Et justement, parlons-en de décollage vertical avec le Lilium Jet, le premier avion électrique à décollage vertical qui a fait son baptême de l'air. La société allemande Lilium Aviation vient d'accomplir le vol inaugural de son prototype d'avion électrique à décollage et atterrissage verticaux. Cet appareil biplace pourra voler jusqu'à 300 km/h avec une autonomie de 300 km, le tout de façon plus silencieuse et moins polluante que des avions classiques. Le concept est original, mais on attend d'en voir davantage. Alors que les voitures volantes, on vient juste d'en parler, font attraction au salon Topmark à Monaco, un autre programme tout aussi ambitieux est en train de discrètement prendre corps. Lilium Aviation, une société allemande fondée en 2015 par quatre ingénieurs en aérospatiale, avait dévoilé en 2016 son projet d'avion électrique et à décollage et atterrissage verticaux, ce qu'on appelle le ADAV pour aéronef à décollage et atterrissage verticaux, avec notamment le soutien de l'ESA, qui est l'agence spatiale européenne. L'engin baptisé Lilium Jet, a effectué ses premiers vols en Allemagne, près de Munich. La vidéo diffusée montre un décollage à la manière d'un hélicoptère avant une transition pour voler comme un avion. Il n'y avait aucun passager à bord de l'appareil qui était donc télécommandé depuis le sol, mais ses concepteurs assurent qu'un essai avec un pilote humain se fera sous peu. Les informations techniques sur cet avion électrique sont assez partielles. Sur le site internet du constructeur, on apprend que les moteurs fonctionnent comme les turbopropulseurs d'un jet classique, mais les schémas montrent surtout des petites hélices carénées. Vous pouvez aller voir le reste des détails par rapport au moteur et des trucs que je comprendrais pas même si je le lisais sur assemblagerequis.com. On va au Royaume-Uni maintenant pour une brigade de surveillance des drones pour lutter contre la contrebande en prison. Oui, oui, le trafic de drogue, l'introduction illégale d'objets en prison. Le gouvernement britannique a annoncé la création d'une équipe spécialement dédiée à la surveillance des engins volants. Donc, au Royaume-Uni, la prolifération des drones devient un enjeu pour le gouvernement. Les plaintes directement imputables à des pilotes amateurs ont été multipliées par 12 entre 2014 et 2016. Mais en plus des désagréments liés aux nuisances sonores, aux collisions ou à des faits de voyeurisme, les drones sont aussi utilisés par des malfaiteurs dans le but d'introduire de la drogue, des téléphones ou tout autre objet dans les prisons britanniques. Une invasion problématique qui a conduit le gouvernement britannique à contre-attaquer. Donc, le ministre de la Justice a annoncé mettre en place des équipes spécialement dédiées à la surveillance des drones. Composées de policiers et d'agents pénitentiaires formés en conséquence, ces brigades devront déterminer quelles sont les personnes impliquées dans les opérations de contrebande. En guise d'exemple et pour dissuader les trafiquants potentiels, le gouvernement a également dressé la liste des condamnations déjà prononcées. La dernière en date est de 6 ans et demi d'emprisonnement à l'encontre d'un homme ayant tenté d'introduire des produits stupéfiants pour un montant estimé à 56 000 euros. C'est tout pour le bloc Scénix, tout ce qui bouge. On fait ça en début d'émission, juste après l'émission de Tania Baudin en direct les mercredis. Donc, ça fait un beau petit bloc de voitures et de choses qui bougent. Donc, à 14h en piste avec Tania Baudin. Et juste au début, à 15h, au début du Mathieu Plante Show, c'est la chronique Tout ce qui bouge. Dans quelques instants, on va changer complètement de sujet en parlant de jeux vidéo rétro avec notre ami Samuel Girard. Mais avant ça, on s'écoute une pièce de chiptune. C'est par Kwan. C'est sur une compilation qui est disponible sur assemblagerequis.com. Voici la pièce K-Man MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est fou. Get.

Parce que si tu laisses les gens choisir le jeu, que tu tombes sur un jeu que t'as jamais joué, que t'as aucune idée ça prend combien de temps à réussir, mm-hmm. ça brise un peu la magie de la finale. Ouais. Mais là, ils savaient que le jeu, il compléterait en mettons 2 heures, puis qu'il pourrait faire sa finale bien organisée et faire les festivités en lien avec ça. Il a fait les jeux au complet, là, oui. chaque jeu. C'est ça. Donc, 714 jeux de compléter, ça y a pris 3 ans. Et maintenant, c'est terminé. Et là, il a fait sa demande pour le lead des Rock Organist. Wow, cool. Ouais. C'est vérifiable parce que tout est Toutes sur Twitch. Toutes les vidéos sont là. C'est ça l'affaire avec les records. Faut que tu aies une preuve. Puis là, la preuve est sur Internet. Voilà. Ah, c'est cool. Est-ce qu'on sait s'il va prendre, j'imagine, une très très longue pause avant de se lancer sur genre un autre. Ben, c'est sûr qu'il continue de diffuser. Puis lui, c'est un speedrunner à la base. Mm-hmm. Donc là, il a recommencé à pratiquer certains jeux. On sait pas son prochain projet, mais il a dit que ça allait pas être un SNES challenge. Non, il y a trop de jeux. C'est ça. Ben, il y en a presque autant. Ok. Ah, j'aurais pensé plus. Ouais, je pense que c'est 749. Bon. Au lieu de 714. Dans le marché international? C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas quel défi qui va se lancer. Est-ce qu'il va se lancer un autre défi de cette envergure-là? Mais à la base, il est encore là, il diffuse encore, puis il joue à ses jeux encore. C'est un record qui sera probablement jamais battu, là. Qui veut battre ça, là? Ben, en fait, il va pas être égalé, le record. Est-ce que quelqu'un d'autre va vouloir jouer à tous les jeux de NES? Ouais. Il y en a qui essayent. Ok, parce que c'est pas le temps passé à avoir fait le tour des jeux de NES. Non, c'est juste les avoir joués. Parce que le gars, c'est un speedrunner, mais ça, c'était pas des speedruns. Ben non, parce qu'il connaissait presque pas tous les jeux. Là. Okay. Il y a en speedrun, mettons, une dizaine. Ouais. Ça en fait encore au-dessus de 700 à prendre. Mm-hmm. Ouais. Puis à jouer. Mm-hmm. C'est quoi, récemment, j'ai vu par rapport à Mario 64, on a parlé dans une récente chronique. Oui. Qu'il y avait une nouvelle pièce de monnaie ou quelque chose comme ça qui avait été découverte. Fait que ça annule tous les records qui ont été battus. Sur le genre attraper tout dans Mario 64, fait que là il faut qu'ils refassent tout leur record, les gens. C'est parce que c'est dans Mario 64, la pièce qu'ils ont trouvée, c'est une pièce qui ne se ramasse pas. Elle est dans la texture du jeu. Okay. Dans le fond, c'est que la manière que le jeu est programmé, il faut peut-être que tu fasses une chaîne de 5 pièces. Mm-hmm. OK? Si tu veux faire de quoi? Donc il y a des ronds de 8 pièces, des chaînes de 5 pièces en ligne, sinon c'est des pièces tout seul. Okay. Pour quelque chose de même. Et de la manière qu'elle est faite, c'est qu'il y a une des chaînes qui est placée dans une pente. Donc, vu que la ligne doit être droite, mm-hmm. il y a une des pièces qui est en dessous du niveau. OK. C'est ça. Donc, tu peux pas la ramasser. C'est juste de dire qu'ils ont trouvé une pièce supplémentaire. Okay. Par contre... Dans Donkey Kong 64, mm-hmm. là, ils ont trouvé une nouvelle pièce. Taper des mains sur le sol à un endroit précis que personne n'avait osé taper. Et ça fait sortir une pièce multicolore. Et elle change tout au record. Et là, pour les gens qui doivent tout ramasser, eux, ils doivent tout recommencer le ça, tableau. C'est le fun. Voilà. Wow. Parce qu'il y a rien qui t'affiche dans cette catégorie-là. T'as le 100% où là, tu peux faire start et avoir la liste des choses à compléter. Les stats. Ouais. Par contre, pour le tout ramasser, ça, c'est des choses que ça t'affiche pas t'en as sur combien. Okay. C'est juste que les gens ont dit que t'es supposé finir à temps. OK. Mais là, le fait que quelqu'un ait trouvé une nouvelle pièce, ça vient de tout changer. C'est fou, hein? C'est incroyable. Après combien d'années? C'était quoi? 96, 94? Dans ce coin-là, ça fait longtemps que le jeu est sorti et on vient de trouver encore autre chose. C'est génial, les jeux vidéo, hein? C'est incroyable. Merci, Sam! Ça fait plaisir! Bye. vous êtes assez fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. MC Jimmy et Genocide, une pièce inspirée de la console Genesis, pour un jeu qui se passerait dans l'espace. Juste avant ça, on a entendu la chronique avec Samuel Girard. Je dois vous dire, en fait, je peux vous annoncer pour la première fois en onde que Samuel va être de retour avec nous pour la session estivale à partir de dans deux semaines. Donc, on parle de l'émission du mercredi 10 mai. Il va être de retour avec nous pour une nouvelle saison de chronique d'un gamer à un autre, en alternance avec Frédéric Simon qui va être là la semaine prochaine. Donc, on parle du 3 mai. Maintenant, toujours Mathieu Planchot, c'est Television, Television. Télévision, la chronique dans laquelle on parle de nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec et via l'international parce que Like Moi va être adapté en France, en Suisse et en Belgique. On a parlé un petit peu du sujet il y a quelques temps, mais on a plus d'informations maintenant. Donc la série québécoise Like Moi sera adaptée pour la France, la Suisse, la Belgique. La société de production Zone 3 a annoncé qu'une entente avait été conclue pour l'adaptation des 12 épisodes de la première saison en partenariat avec France 4, la radio-télévision belge francophone RTBF et la radio-télévision suisse RTS. L'équipe de production franco-belge-suisse accueillera bientôt l'auteur et producteur associé Marc Brunet et la productrice José Fortier qui s'assureront de la fidélité de l'adaptation et rencontreront les comédiens. Les deux créateurs étaient déjà passés par Cologne en Allemagne en novembre afin de faire connaissance avec l'équipe de OMG. C'est de ça qu'on avait parlé à l'émission. C'est le titre de l'adaptation allemande. Le tournage de cette version est terminé. Les sketchs sont déjà en diffusion sur les chaînes web des télédiffuseurs publics allemands ARD et ZDF. Zone 3 a de plus annoncé que le groupe Warner avait acheté une option pour les États-Unis et une autre pour le Royaume-Uni. De sorte que Like Moi pourrait aussi être éventuellement dans les marchés anglophones. Au Québec, une troisième saison de Like Moi sera diffusée en janvier 2018 sur les ondes de Télé-Québec, toujours avec Adib Al-Khalidi, Catherine Levac, Marie-Soleil Dion, Guillaume Lambert, Florence Lompré, Karine Gontier-Heinemann et Philippe Audrey-Larue-Saint-Jacques. Ça, c'est une seule personne. Maintenant, au Canada anglais, Canada, Radio-Canada en général, je parle du Canada. Le nombre de débranchés continue d'augmenter au Canada. Oui, le nombre de Canadiens mettant fin à leur service de télévision devrait grimper cette année, selon une nouvelle étude. Dans un rapport récent, un groupe de recherche sur la convergence estime que les abonnements de télévision au Canada diminueront de 2% cette année. La perte d'abonnés sera de 247 000 en 2017 comparativement à 220 000 l'an dernier, calcule The Convergence Research Group, mentionné ici par Radio-Canada, c'est pour ça que j'ai dit Radio-Canada tantôt. La baisse pourrait atteindre 3% en 2019. Selon le rapport, 3,8 millions de foyers, soit 26% d'entre eux, ne possédaient pas un service traditionnel de télévision l'année dernière. Ce nombre grimpera à 4,18 millions ou 28,4% cette année, prédit-on. Les grands fournisseurs de télécommunications au Canada tentent depuis un moment d'ajouter des services télévisuels de nouvelle génération, comme la diffusion en continu, à leur forfait de télé afin de retenir leurs clients et d'en attirer de nouveaux. Selon ce même Convergence Research Group, 6,3 millions de Canadiens seront abonnés à Netflix en 2017, qui dépassera bientôt les 100 millions d'abonnés dans le monde pour Netflix. La firme prédit qu'en 2018 et en 2019, respectivement, 6,9 et 7,4 millions de Canadiens seront abonnés à Netflix. Stingray bonifie sa programmation existante en matière de slow TV maintenant, grâce à l'acquisition de la chaîne télévisée consacrée à la détente Nature Vision TV. Après l'acquisition en juin 2016 de Festival 4K, Stingray Digital bonifie son offre de contenu multiplateforme en format 4K grâce à l'acquisition de Nature Vision TV, une chaîne spécialisée offrant des centaines d'heures d'images de la nature en format vidéo HD et 4K, invitant à la détente en ligne et à la télévision 24 heures sur 24. Lancé en novembre 2015, Nature Vision TV bonifie la programmation existante de Stingray en matière de télévision lente, donc comme on appelle la slow TV, en s'ajoutant à la chaîne Stingray Ambiance 4K, actuellement offerte sous forme de chaîne linéaire. Ça veut dire une vraie chaîne de télévision qui diffuse des émissions ou des affaires en continu, en continu mais pas sur demande, tu comprends? C'est en continu et non sur demande, on se comprend. Et de vidéos sur demande aussi aux fournisseurs de télévision payants du monde entier. Selon les modalités de l'acquisition, Stingray deviendra propriétaire, exploitant et distributeur de Nature Vision TV. La chaîne est accessible par l'intermédiaire de Apple TV, Roku, Android TV, Amazon Fire TV, Pluto TV, Zumo, Rabbit TV et Tubi TV, ainsi que sur certaines plateformes populaires dont Netflix et Amazon. Maintenant, le reboot de l'émission Reboot, vous connaissez Megabug, hein, va mettre en vedette des adolescents humains qui aiment beaucoup manger. Oui, Reboot, donc la série animée pour enfants qui ressemblait à une cutscene d'un jeu de PlayStation 1. On se rappelle, les graphiques en 3D n'étaient pas super bien faits. Va être refait en émission avec des humains sur la chaîne YTV, ici même au Canada. La compagnie a partagé quelques images sur Twitter. Il n'y a aucun personnage en 3D là-dedans. Donc Reboot a été diffusé entre 94 et 2001, et comme les Power Rangers, Transformers ou encore La Belle et la Bête vont être rebootés. L'émission à l'origine se passait dans un système d'ordinateur qui s'appelait Mainframe, où le gardien Bob et ses amis combattaient des virus. YTV avait rien d'autre à partager jusqu'à maintenant sur le reboot de Reboot, à part pour ses adolescents qui mangent à l'écran. Donc on sait pas, on va attendre les détails. Il me semble que j'ai entendu dire qu'il y avait un mélange entre les humains et une fois qu'ils rentraient dans le jeu, ça devenait des personnages de dessin animé, mais l'article ne mentionne pas, je pensais que c'est l'article que j'avais lu, donc sur The Verge, celui-là. On va vous tenir au courant des détails sur le reboot de Reboot. On va aux États-Unis maintenant. Friends s'en vient sur Broadway. Oui, Friends, the musical, c'est tout à fait vrai. Donc, on doit ce projet à Bob et Tobey McSmith, habitués des adaptations à Broadway, qui ont décidé de ramener Ross, Rachel, Monica, Joey Chandler et Phoebe à la vie le temps d'un spectacle. C'est que Friends a beau être une série qui est terminée depuis longtemps, depuis 13 ans. Elle a profondément marqué l'imaginaire populaire et est encore tout à fait à la mode en ce moment. Évidemment, on ne retrouvera pas les acteurs d'origine sur scène parce que Friends, the musical, n'a pas été validé par les créateurs de la série. Mais si vous voulez voir d'autres comédiens qui vont prendre la relève de Friends, des acteurs de Friends, la vente des billets devrait débuter au mois de juin. Maintenant, on va en Italie, qui va produire une série télé sur le scandale Vati Leaks. La compagnie italienne de production cinématographique Leone Film Group, créée par le maître du western spaghetti Sergio Leone, va produire un feuilleton télévisé en anglais sur Vati Leaks, une série de scandales qui ont secoué le Vatican. La compagnie a acheté les droits de deux livres du journaliste d'investigation italien Gianluigi Nuzzi, qui a publié ses ouvrages dénonçant les gaspillages ou la corruption au sein du Vatican. Les deux livres en question sont Via Crucis, sorti en novembre 2015 et révélant les frasques financières au Vatican, et Sainteté, publié en mai 2012 sur la base de documents secrets subtilisés à Benoît XVI par son majordome et portant surtout sur des soupçons de corruption, opacité, médisance, carrière contrariée et choix contestés au sein du petit État. Interrogé au téléphone par l'agence France Presse, Leone Film Group a simplement indiqué avoir acheté les droits des livres mais ne pas encore avoir d'informations détaillées sur la future série télé. Parlons de Netflix un petit peu avec de la publicité sur Netflix via un nouvel économiseur d'écran. Oui, si vous avez, c'est un article de branchezvous.com en passant. Si vous avez le malheur de suspendre une série Netflix pour une minute ou deux, le service va profiter de l'occasion dorénavant pour vous recommander l'une de ses productions originales. Alors que Netflix ne se gêne pas pour mettre l'accent sur ses propres contenus lorsqu'on parcourt le catalogue, le service a introduit une nouvelle façon de vous rappeler combien ses productions originales valent le détour par la voie d'un économiseur d'écran ou encore un écran de veille. Comme le rapporte TechCrunch, certains internautes ont récemment partagé sur Twitter des photos de la surprise que leur a réservé Netflix après avoir laissé un film ou une émission trop longtemps en pause. Je vous rappelle aussi qu'il y avait l'idée de lorsque tu terminais une saison ou une série, il te montrait une publicité pour une autre série, donc c'est le même genre de principe. Netflix a confirmé qu'elle avait bel et bien intégré un économiseur d'écran à son expérience télévisuelle via l'application Netflix pour lecteurs multimédia, comme les Apple TV et autres. La nouvelle fonction a fait l'objet d'une mise à l'essai au préalable et manifestement, son accueil semble avoir été favorable. Évidemment, c'est que c'est... T'as juste à, si tu fais une pause, tu vas prendre quelque chose à boire, puis tu reviens, puis un écran de veille, c'est pas super dramatique, c'est pas comme te faire imposer des publicités avec audio et vidéo. Bref, l'économiseur d'écran n'est pas imposé à tous pour l'instant. Selon TechCrunch, par contre, il n'y a pas de paramètres pour changer le délai avant son apparition. Évidemment, les gens pourraient mettre une demi-heure et ne jamais voir la publicité. On ignore aussi si Netflix a l'intention d'exploiter cette nouvelle vitrine publicitaire auprès de producteurs de contenu présents dans son catalogue en échange d'argent, de rémunération. On rappelle que le directeur financier de Netflix, David Wells, a déclaré en septembre dernier que son entreprise avait pour objectif que 50% de son catalogue de contenu soit constitué de productions originales bientôt. Donc, il faut quand même les vendre, ces séries-là. Parlant de Netflix, ils veulent améliorer la qualité de leurs sous-titres et ils ont besoin de vous. Oui, il y a beaucoup de contenu sur Netflix, mais ils sont pas tous doublés en français. D'ailleurs, je croyais que toutes les séries originales de Netflix étaient en français doublées et sous-titrées, mais ce n'est pas le cas parce que la nouvelle saison de Mystery Science Theater 3000 qui vient de sortir n'est pas doublée en français. La série où on rit de mauvais films, ça m'a surpris. Pas de sous-titres, rien quand même. Bref, la qualité des fois des sous-titres est loin d'être au rendez-vous, un problème que veut résoudre Netflix en dévoilant le système Hermes, H-E-R-M-E-S, qui est un système d'indexation et de test de sous-titrage et de traduction visant à améliorer la qualité globale des sous-titres. Essentiellement, il s'agit d'une plateforme pour tester celles et ceux qui souhaitent aider à créer des sous-titres de l'anglais vers leur propre langue. Selon Netflix, il y a environ 4000 idiomes dans la langue anglaise et être capable de les traduire de manière à ce que ce soit parlant dans chaque culture est très important pour préserver l'intention créative d'une scène. Le test permet donc de voir si les sous-titreurs sont capables de traduire correctement en transcrivant le véritable sens de chaque phrase. Si c'est pas du mot à mot, là, on veut une expression qui veut dire quelque chose dans une autre langue et on doit l'adapter. À la fin du test, les candidats reçoivent une note reflétant leur niveau à cet exercice. Je cite, « De la même manière que nous recommandons nos titres à nos utilisateurs, nous voulons faire correspondre nos sous-titreurs à nos titres. Peut-être se considère-t-il comme un grand amateur d'horreur, mais excelle-t-il dans le sous-titrage de comédie romantique? En théorie, nous pouvons les faire correspondre pour qu'ils proposent un travail de la meilleure qualité possible. J'adore ça et je prévois faire le test dans les prochaines semaines. » Ensuite, moins de sexe à cause de tout ce temps passé devant l'écran. Les Américains font moins l'amour, nous dit UberGizmo.com. C'est peut-être parce qu'ils sont moins nombreux à avoir une relation stable ou à être mariés, ou peut-être parce qu'ils passent davantage de temps à enchaîner les épisodes de leur série préférée ou à consulter les réseaux sociaux. Selon une étude récente publiée dans le journal Archives of Sexual Behavior, dans les années 90, les Américains faisaient en moyenne l'amour entre 60 et 65 fois par année. En 2014, ce chiffre tombait à 53 fois. Et si les milléniaux et autres enfants de la génération Z font moins l'amour que les autres générations, les gens âgés de 70 ans et plus, eux, pratiquent davantage. Pourtant, le sexe est bon pour votre corps et votre esprit, nous dit l'article. Mais alors, pourquoi au juste la pratique diminue-t-elle? Les chercheurs ont écarté deux raisons, les heures de travail plus longues et la pornographie. En effet, il a déjà été montré que ces deux facteurs favorisaient justement le sexe au sein d'un couple. Si la cause de cette diminution de l'activité sexuelle n'est pas certaine, les chercheurs évoquent plusieurs coupables, dont une diminution du bonheur chez les gens de plus de 30 ans. Mais une autre raison pourrait expliquer ce changement dans les 20 dernières années, l'ascension des réseaux sociaux et du streaming vidéo. Les Américains feraient ainsi moins l'amour parce qu'ils passent davantage leur soirée et leur nuit à regarder Netflix et ou à consulter leur fil d'actualité Facebook. L'étude a évidemment ses limitations. Les chercheurs ont analysé des données du General Social Survey, un sondage national réalisé sur un panel représentatif d'adultes américains et de faits qui s'appliquent principalement aux hétérosexuels. La définition même du sexe peut différer aussi. Certains peuvent inclure la masturbation en solo ou en couple comme étant du sexe et d'autres non. Donc voilà, à prendre avec une pincée. Sur Internet encore, il y a un live stream de petits chatons dans une maison de poupées qui est un style de télé-réalité que je trouve vraiment cool. On a parlé de Slow TV tantôt. C'est une parodie de Keeping Up with the Kardashians, l'émission des sœurs Kardashian. Ça s'appelle Katdashians. Mais en fait, ça s'appelle pas vraiment comme ça, c'est dans une autre langue. C'est la compagnie Scott Production, ainsi que Saga Film et un site de nouvelles locales, Nutimin, c'est comme un nouveau Timinet. Nutimin, qui ont créé les Katarshins. Je trouve ça beaucoup mieux dans cette langue-là, en islandais. Voilà. Bref, en coopération avec The Icelandic Cat Protection Society, la société de protection des animaux de l'Islande. Et l'autorité vétérinaire et d'alimentation animale. Tout le monde est au courant, le bien-être des chats est assuré. Donc, il faut aller voir, c'est des caméras qui sont dans une petite maison et les chats peuvent courir partout, jouer, s'amuser, sauter d'un étage à l'autre avec une petite échelle. C'est vraiment super mignon. Il y a une vidéo des meilleurs extraits en une minute sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission de cette semaine. Ça vaut la peine, je trouve, d'aller voir ça. Juste au moins le clip, peut-être pas suivre le live stream au complet, mais quand même. Ensuite, on n'a pas de chronique radio-radio, donc dans Télévision, des fois, on parle un petit peu de radio et j'ai mis quelques nouvelles ensemble. Commençons par une affiche publicitaire qui pourrait pirater une radio FM. Grâce à un procédé de rétrodiffusion captant un signal radio FM, des chercheurs ont réussi à transformer des affiches publicitaires en objets communicants, susceptibles de diffuser du contenu sur le smartphone d'une personne à proximité. Donc imaginez, vous êtes dans une voiture à un feu rouge, une affiche pour le concert d'un groupe que vous aimez attire votre attention et vous propose d'écouter un extrait rapide sur votre auto-radio. Le même scénario pourrait se produire alors que vous marchez dans la rue ou attendez à un arrêt d'autobus en vous proposant de recevoir ce type de contenu sur votre téléphone. Des chercheurs de l'Université de Washington ont développé des transmetteurs susceptibles d'être incorporés dans des objets du quotidien qui exploitent les signaux radio FM ambiants pour envoyer des données à des smartphones compatibles radio FM ou des autoradios. L'équipe a utilisé la technique dite de rétrodiffusion, ce qu'on appelle en anglais le backscattering, qui consiste à récupérer le signal d'une station radio FM locale et d'y encoder des données en exploitant une portion proche mais non utilisée de la bande FM, de manière à ne pas interrompre la programmation d'origine. L'avantage majeur de cette solution est qu'elle ne consomme que très peu d'énergie comparé à des dispositifs équivalents en Bluetooth ou en Wi-Fi. Selon les chercheurs, leur système ne consomme que 11 microwatts et pourrait être alimenté pendant au moins 2 ans avec une pile bouton, ou alors avec de petites cellules photovoltaïques. Allez en savoir plus sur la sécurité de tels dispositifs dans le reste de l'article de Futura Science sur assemblagerequis.com. Et finalement, le CRTC demande à Vidéotron de débrancher son service de musique illimitée. Oui, le service offert par Vidéotron accorde encore une préférence indue ou déraisonnable à certains abonnés et entreprises de streaming, a tranché le CRTC, nos amis du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. L'organisme fédéral ordonne par conséquent à Vidéotron de cesser d'offrir musique illimitée ou d'en modifier substantiellement les modalités. Donc, musique illimitée, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été lancé en août 2015. Ça permet à certains abonnés à la téléphonie mobile de Vidéotron d'écouter 19 services de diffusion de musique en continu sans que les données téléchargées soient comptabilisées. Cette possibilité est offerte aux abonnés au service premium d'au moins 3 gigs de données, offert à partir de 65$. L'abonné a ainsi accès à des... Ils sont vraiment chers, hein? Des services comme Apple Music, Google Play, Spotify et Tidal. En septembre 2015, 2 plaintes contre musique illimitée avaient été déposées au CRTC, impliquant notamment l'Association des consommateurs du Canada et Rogers. On jugeait que ce service de Vidéotron favorisait indûment certains fournisseurs et abonnés et constituait une brèche dans le principe de la neutralité du net, ce qu'on appelle communément par ce nom-là, net neutrality. Selon ce concept, un fournisseur de services Internet ne peut intervenir pour favoriser certains types de contenus. Lors des audiences tenues en octobre 2016, Vidéotron et Bell notamment avaient fait valoir que ce type d'offre appelée différenciation des prix leur permettait de se démarquer de la concurrence et d'élargir leur bassin de consommateurs. Rogers s'est réjoui de cette décision du CRTC, évidemment. Le CRTC a finalement retenu les arguments des demandeurs et conclu que musique illimitée contrevient à la loi sur les télécommunications. Vidéotron a jusqu'au 19 juillet pour abolir ou modifier son service de musique illimitée. Et Vidéotron n'avait pas réagi au moment de l'article de la presse canadienne. Voilà, c'est tout pour Télévision. Tout à l'heure, on va faire Merci Science, mais avant ça, on s'écoute un petit peu de chiptune. C'est par Ender's Crusade. Voici Jewel in My Ear, Gun on My Side. MPS, le Mathieu Plante Show, sur le 89 FM, c'est fou. Chris Cruzet avec Jewel in my ear, gun on my side au Mathieu Plante Show. Et maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Et on commence avec, ben en fait, c'est médecine, c'est science, là, c'est plein de choses en même temps. Les chercheurs ont pisté les rêves dans le cerveau. Grâce à des électroencéphalogrammes, des chercheurs internationaux ont identifié les régions cérébrales impliquées dans les rêves. Ces résultats permettent aussi de mieux comprendre ce qui différencie un cerveau conscient ou inconscient. On rêve pendant le sommeil paradoxal, mais pas seulement. Les rêves se déroulent aussi pendant le sommeil non paradoxal. Alors, qu'est-ce qui caractérise un cerveau en train de rêver? Pour le savoir, des chercheurs américains, italiens et suisses ont enregistré l'activité cérébrale de 46 personnes qui dormaient grâce à des électroencéphalogrammes. Des électrodes placées sur le crâne ont capté les ondes cérébrales de différentes fréquences. Les participants étaient réveillés dans la nuit et devaient dire s'ils avaient rêvé et aussi s'ils se souvenaient de leurs rêves. Dans le sommeil paradoxal comme dans le non-paradoxal, les rêves étaient associés à une diminution de l'activité de basse fréquence dans les régions corticales postérieures, donc à l'arrière du cerveau. Les chercheurs ont aussi identifié les régions importantes pour se souvenir d'un rêve. Celui-ci était lié à une augmentation de l'activité haute fréquence à l'avant du cerveau. Grâce à ces résultats, les chercheurs ont réussi à prédire si les participants avaient rêvé ou pas. De plus, rêver à des visages correspondait à une augmentation de l'activité de haute fréquence dans une région du cerveau impliquée dans la reconnaissance. De même, ceux impliquant la perception spatiale, le mouvement et la réflexion étaient liés à des régions du cerveau qui servent à accomplir ces tâches lorsque nous sommes éveillés. Les résultats de ces recherches ont été publiés dans Nature Neuroscience. Le cerveau, toujours lui, serait 10 fois plus actif que ce qu'on pensait. Donc, une équipe de neurophysiologistes lâche une bombe dans le domaine de la recherche, donc les dendrites. Ces prolongements du neurone que l'on assimilait à des fils électriques participent sans doute au traitement de l'information. L'idée n'est pas nouvelle, mais la preuve est faite que ces chercheurs ajoutent un fait nouveau. Il y a aussi de l'analogique dans le travail cérébral. Faut-il réviser nos conceptions sur le fonctionnement des neurones du cerveau? Eh bien oui, affirment des biologistes de l'Université de la Californie à Los Angeles, après une étude qui apporte du relief à la semaine du cerveau récemment. C'est le rôle des dendrites qui serait à revoir, explique-t-il dans un article de Science. Jusqu'ici, on pensait que l'influx nerveux prenait naissance dans le corps cellulaire du neurone, ou le soma, pour se propager ensuite dans l'axone, afin d'atteindre les dendrites des neurones suivants, en aval dans le sens de propagation du signal. En somme, les dendrites ne seraient que des conducteurs électriques. Cette vision peut être influencée par nos circuits électroniques, étant donné que le processeur et ses connecteurs correspondent au soma et à ses dendrites. Ça semblerait trop simpliste, finalement. L'équipe de l'UCLA, dirigée par le neurophysiologiste Mayank Mehta, a fait à peu près la même chose, mais avec un soin supplémentaire. Les électrodes ne viennent pas perforer les dendrites, ce qui altère le fonctionnement du neurone, selon ses chercheurs. Elles viennent simplement au contact. Le résultat fait plus que confirmer les précédents. Les dendrites génèrent 10 fois plus de signaux nerveux que les corps cellulaires. Depuis plusieurs années, les indices laissaient penser que les dendrites pouvaient générer aussi cet influx nerveux. En 2013, on rapportait une expérience qui le montrait nettement. Les électrodes avaient été implantées dans le cerveau d'une souris, de plusieurs souris, oui, jusqu'à venir toucher les dendrites. Et elles avaient bien détecté des potentiels d'action, ces vagues de dépolarisation de la membrane qui constituent l'influx nerveux. Vous pouvez aller voir plus de détails encore une fois dans l'article sur assemblagerequis.com. On reste dans le domaine des cerveaux, on crée des synapses électroniques capables d'apprendre. Des chercheurs du CNRS viennent de créer une synapse artificielle capable d'apprendre de manière autonome. Ils ont également réussi à modéliser ce dispositif, une dernière étape fondamentale pour élaborer des circuits plus complexes. S'inspirer du fonctionnement du cerveau pour concevoir des machines de plus en plus intelligentes, telle est l'idée du biomimétisme. Le principe est déjà à l'œuvre en informatique via des algorithmes pour la réalisation de certaines tâches, comme la reconnaissance d'images. C'est ce qu'on utilise entre autres chez Facebook pour identifier des photos. Mais le procédé est très gourmand en énergie. Alors, Vincent Garcia de l'unité mixte de physique du CNRS Thalès et ses collègues viennent de franchir une nouvelle étape dans ce domaine en créant directement sur une puce électronique une synapse artificielle capable d'apprentissage. Ils ont également développé un modèle physique qui permet d'expliciter cette capacité d'apprentissage. Cette découverte qui vient d'être publiée dans Nature Communications ouvre la voie à la création d'un réseau de synapses et donc à des systèmes intelligents moins dépensiers en temps et en énergie. Le processus d'apprentissage de notre cerveau est lié à nos synapses qui assurent la connexion entre les neurones. Plus elle est stimulée, plus cette liaison se renforce et plus l'apprentissage s'améliore. Les chercheurs se sont inspirés de ce mécanisme pour concevoir le même RISTAR, une synapse artificielle. Ce nanocomposant électronique formé d'une fine couche ferroélectrique prise en sandwich entre deux électrodes peut ajuster sa résistance ou l'action d'impulsion électrique, similaire à celle des neurones. Si la résistance est faible, la liaison synaptique est forte. Si la résistance est forte, la liaison est faible. C'est cette capacité de la synapse à s'adapter, à adapter sa résistance, oui, qui permet l'apprentissage. Si les travaux sur ces syllabes artificielles sont au centre des préoccupations de nombreux laboratoires, jusqu'à présent, le fonctionnement de ces dispositifs restait largement incompris. Pour la première fois, les chercheurs ont réussi à élaborer un modèle physique anticipant son fonctionnement. Cette compréhension du processus va donc permettre de créer des systèmes plus complexes, comme un ensemble de neurones artificiels interconnectés par ces mêmes ristards. Encore une fois, plus de détails sur assemblagerequis.com. Les travaux présentés impliquent des chercheurs de l'unité mixte de physique CNRS Thales, du laboratoire de l'intégration du matériau au système, de l'Université de l'Arkansas, du Centre de nanosciences et nanotechnologie de l'Université d'Evry et de Thales. On reste dans les cerveaux et on veut faire pousser un mini-cerveau. Pour étudier sans limite des maladies neurodégénératives, une équipe française a créé des mini-cerveaux où le tissu cérébral est reconstitué en trois dimensions. Oui, fabriquer un cerveau, voilà qui semble très loin du possible aujourd'hui. C'est pourtant cette voie qu'explore une équipe du laboratoire Celltex de l'école SOP Biotech, en collaboration avec le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Les chercheurs partent de cellules souches, c'est-à-dire sans aucune spécialisation. D'origine humaine, elles ont notamment été obtenues à partir de cellules de peau reprogrammées. On les dit pluripotentes induites ou encore IPS. Elles peuvent alors être différenciées pour devenir, par exemple, des cellules cérébrales. Mises en culture dans des boîtes de pétri, elles finissent par former une petite sphère que les scientifiques appellent parfois des mini-cerveaux. Plus précisément, ce sont des organoïdes neuro-ectodermiques. Nos cultures comptent entre 5000 et 1 million de cellules, et mesurent environ 2 mm de diamètre. Si les expériences de ce genre ne sont pas une première, celle-ci est une avancée car les biologistes créent une structure en trois dimensions. Ils veulent y faire croître des cellules de différents types, comme des neurones, des cellules gliales ou oligodendrocytes, qui puisaient au sein d'une matrice extracellulaire semblable à celle du cerveau, faite de molécules comme des sucres ou des peptides. Les cellules possèdent une capacité d'auto-organisation. Les tissus complexes peuvent donc se former ainsi. Bien sûr, l'idée n'est pas de refaire un cerveau fonctionnel, mais de créer un modèle pour étudier les maladies neurodégénératives, Alzheimer et Parkinson, ou les maladies à prions comme Creutzfeldt-Jakob et plusieurs autres. Quand même, hein? En partant de cellules de patients présentant la maladie d'Alzheimer, on pourrait ainsi espérer obtenir un minuscule organe sur lequel on pourra étudier cette pathologie de toutes les manières possibles. Ce mini-cerveau pourra, par exemple, être découpé en tranches et observé avec les techniques de microscopie habituelles après des marquages de toutes sortes, des expériences d'activation ou de désactivation de gènes pourront être conduites. Pour l'instant, l'équipe de Celltex n'a pas reproduit un tissu cérébral qui serait similaire à celui d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer. On ne retrouve pas à ce stade des plaques caractéristiques dites les amyloïdes, mais l'équipe parvient à faire apparaître des molécules qui y sont associées. Ce genre de modèle cérébral pourrait permettre de démêler les causes à l'origine de ces pathologies. La maladie d'Alzheimer se présente sous des formes génétiques, mais il y a aussi des facteurs environnementaux, et les mini-cerveaux se prêteront un jour à de nombreuses expériences pour tenter de déchiffrer cette complexité. Maintenant, là, on parle de médecine, là, pas nécessairement de science, mais la réalité virtuelle se met au service des thérapies mentales. Les lunettes de réalité virtuelle ne sont plus seulement destinées aux jeux vidéo. Des entreprises du numérique qui travaillent à en faire des outils de thérapie mentale pour traiter des phobies, des anxiétés ou de la dépendance. L'entreprise lituanienne, Telesoftas au Congrès mondial de la téléphonie mobile. Donc, l'entreprise lituanienne vient de recevoir des fonds européens pour financer le développement d'applications de santé mentale pour des lunettes de réalité virtuelle en collaboration avec des universités. L'un des principes des psychothérapies dites cognitives est d'exposer graduellement le patient à ses peurs, comme des araignées, des avions, la claustrophobie, afin de l'aider à dédramatiser le tout. L'idée est de pratiquer ces exercices grâce aux images projetées sur les lunettes de réalité virtuelle qui permettent de s'immerger dans la situation redoutée. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, vous allez vous retrouver devant une pièce remplie de gens. Ces exercices se faisaient jusqu'à maintenant par l'imagination ou bien via des cas pratiques, mais maintenant qu'on est rendu dans l'ère numérique, il fallait aller plus loin. Et la jeune pousse catalane a vu le jour il y a 3 ans parce que l'un de ses fondateurs avait peur de l'avion, nous dit la presse. Elle conçoit donc des applications destinées aux psychothérapeutes qui peuvent les télécharger pour les utiliser sur n'importe quel casque de réalité virtuelle en vente dans le commerce. Le médecin choisit ensuite l'environnement adapté. Par exemple, une personne atteinte de vertige pourrait se retrouver dans un ascenseur accroché à la façade d'un gratte-ciel. Le thérapeute, via son ordinateur, peut faire monter l'ascenseur de plus en plus haut ou bien rendre le sol transparent pour accentuer la difficulté de l'exercice et peut aussi juger les progrès du patient en voyant, par exemple, s'il arrive à regarder vers le bas. L'application permet aussi de mener des séances de relaxation ou de méditation dans un paysage bucolique. Donc, on a réussi à lever près d'1 million d'euros auprès d'investisseurs en 2015. On a 600 clients environ dans une quinzaine de pays, principalement en Espagne. La société conduit 9 essais cliniques avec des universités pour mesurer l'efficacité de son outil. Télésoftas espère espère à terme proposer des environnements virtuels pour traiter les troubles obsessionnels compulsifs, les syndromes post-traumatiques, l'alcoolisme et le tabagisme. Plusieurs startups américaines travaillent également sur ce type d'application, notamment Limix, Applied VR et Cerebrum, ainsi que la société espagnole Virtualware. Une université va tester prochainement des pansements connectés en 5G. Aussi utiles puissent être les pansements pour protéger une plaie et la laisser guérir, ceux-ci empêchent malheureusement de constater visuellement l'avancée de la guérison ou sa dégradation. Des chercheurs travaillent à concevoir des pansements dotés d'une connectivité 5G. Avec cette connectivité sans fil, le pansement peut suivre le progrès de la guérison et transmettre les données au docteur. Ceux-ci sauront alors si le moment est venu de le changer, de l'ôter pour de bon ou de changer le moyen de traitement. C'est évidemment très futuriste, mais de tels pansements pourraient être une réalité à l'université de Swansea dans les 12 prochains mois. Selon le professeur Mark Clement, directeur de l'Institut des sciences de la vie, on combine toute cette intelligence pour que les cliniciens aient connaissance de l'avancée de la blessure à un moment précis et puissent décider du protocole de traitement de la meilleure des manières pour guérir précisément cette blessure sur le patient. Ensuite, une casquette électrique pourrait aider les patients atteints du cancer du cerveau à vivre plus longtemps. Le cancer résiste encore à la médecine moderne et les experts n'ont pas encore trouvé le moyen de le vaincre une fois pour toutes. Mais la technologie a avancé. La société Novocure a mis au point Optune, une casquette électrique permettant aux patients atteints de cancer du cerveau de vivre plus longtemps. Optune envoie des champs électriques de faible intensité dans le cerveau du porteur. D'après les chercheurs, ces champs électriques permettraient de bloquer la division cellulaire, ce qui a pour conséquence de freiner considérablement la propagation du cancer et donc de faire vivre le porteur plus longtemps. D'après Roger Stoop, professeur de chirurgie neurologique à l'école de médecine Feinberg de l'Université Northwestern, le glioblastome est la malignité primaire la plus mortelle du système nerveux central chez les adultes. Le dernier traitement éprouvé pour faire vivre plus longtemps les patients atteints de cette maladie datait de plus de 10 ans. Et selon une étude menée par les scientifiques, une espérance de vie de 5 ans s'est améliorée de 5 à 13 %. Malheureusement, par contre, Optune coûte très cher, 700 $US par jour. L'appareil a été récemment approuvé par la FDA aux États-Unis et les assurances le prennent quasiment toutes en charge. L'intelligence artificielle utilisée pour prédire les attaques cardiaques. L'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts et elle se montre déjà très prometteuse dans tous les domaines. Préserver sa santé demande quelques allers-retours chez son médecin pour détecter au plus tôt d'éventuels soucis. Le médecin restant humain, l'erreur est toujours possible. L'intelligence artificielle peut aider. Des chercheurs de l'université de Nottingham au Royaume-Uni ont développé un algorithme de machine learning capable de détecter les attaques cardiaques mieux que le ferait un médecin humain. Basé sur le seul système mis en place par le American College of Cardiology, American Heart Association. Celui-ci peut évaluer le risque de l'attaque cardiaque chez un patient dans 72,8% des cas. Mais avec l'intelligence artificielle et le machine learning, le taux se situe entre 74,5% et 76,4%. Sur l'ensemble des 83 000 dossiers utilisés lors des tests, ça représente quand même 355 vies supplémentaires sauvées. Ça a pas l'air d'être beaucoup en pourcentage, mais en termes de centaines de vies sauvées, c'est très appréciable. Ensuite, Star Wars peut vous éviter un cancer du côlon. La force donnerait des pouvoirs au diagnostic médical. Une étude comparant des coloscopies réalisées dans deux environnements musicaux différents a montré que la bande-son de Star Wars permettait de détecter plus d'adénomes et de polypes. La gastro-entérologie n'échappe pas à la mode de Star Wars. Dans cette étude rédigée avec beaucoup d'humour qui paraît dans Medical Journal of Australia, les auteurs sont pourtant partis du constat très sérieux que la musique a des vertus en médecine, y compris en salle d'opération. Elle aide par exemple le patient à réduire son anxiété et favoriserait les performances du médecin. Mais aucune étude jusque-là ne s'était penchée sur les bénéfices de la musique pour la coloscopie. Il n'y aurait pas non plus de données sur le style de musique le plus efficace pour réduire une endoscopie. Pourtant, les médecins sont amenés à travailler dans un environnement relativement stressant pour réussir ces opérations. Différents styles de musique ont été proposés en salle d'opération, mais d'après les auteurs, qui avouent être des fans de Star Wars, les musiques issues de films épiques n'en faisaient pas partie. Or, les bandes-sons de ces films contiennent des mélodies associées à la gloire, au succès, à la victoire, qui pourraient avoir un effet positif sur un médecin. C'est pourquoi les auteurs ont voulu tester l'effet de la musique de Star Wars en salle de coloscopie et la comparer à celui de la musique pop. Ces expériences ont été réalisées entre juin et août 2015 à Melbourne, en Australie. L'étude a reçu l'approbation du comité d'éthique locale. 103 coloscopies ont été réalisées, 58 avec la musique de Star Wars et 45 avec la musique pop. Le choix de la musique a été tiré au sort avant chaque opération. La bande-son Star Wars utilisée contenait la musique de l'épisode 3 avec Battle of the Heroes, composée par John Williams. Cinq personnes ont pratiqué les endoscopies, dont une ayant 10 ans d'expérience, qu'on l'appelait, tellement qu'elle avait l'expérience, on l'appelait la Maître Jedi. Et quatre avec une à deux années d'expérience, qu'on appelait les Padawan, bien sûr. Pour mesurer l'efficacité de la coloscopie, les chercheurs ont utilisé le taux de détection des adénomes, nombre de coloscopies avec au moins un adénome retiré, divisé par le nombre de coloscopies, et le taux de détection des polypes, le nombre de coloscopies avec au moins un polype retiré, divisé par le nombre de coloscopies. La durée de l'opération était similaire dans les deux groupes, entre 20 et 22 minutes. La préparation colique a été jugée comme bonne ou excellente à 50% du temps dans le groupe avec Star Wars et à 69% dans l'autre groupe. La qualité de la préparation des patients était donc moins bonne dans le groupe opéré avec la Guerre des Étoiles. Malgré ces difficultés qui auraient pu compliquer le diagnostic, l'efficacité de la coloscopie était meilleure avec la musique de la saga intergalactique, puisque l'équipe médicale a trouvé plus de polypes et d'adénomes avec elle, donc 60% de taux de détection de polypes avec la musique de Star Wars et 35% avec la musique pop. De même, le taux de détection des adénomes était de 48% avec Star Wars et de 35% avec la musique pop. Ce qui suggère que les praticiens montraient de meilleures qualités d'observation dans l'environnement musical de Star Wars. Les auteurs conseillent donc l'utilisation de cette musique en fond musical pour les coloscopies. Ils se demandent également si d'autres musiques de films épiques comme Le Seigneur des Anneaux pourraient donner des résultats comparables. Vraiment super intéressant. Ensuite, on reste dans le domaine musical, hein, être imperméable aux émotions transmises par la musique. C'est drôle, mais je crois que je n'ai jamais ressenti d'émotion en écoutant la musique. Est-ce que je suis normal? On va voir. Des chercheurs ont démontré l'existence d'anédonie musicale chez des personnes en bonne santé. Cette incapacité à ressentir de l'émotion à l'écoute de la musique était jusqu'alors peu documentée. Donc une symphonie de Beethoven, un bon vieux Rolling Stones, une pièce de Beyoncé, aucune émotion. Certaines personnes ne ressentent aucun plaisir à écouter de la musique. Ok, bon, j'ai du plaisir, mais j'ai pas d'émotion. J'ai jamais pleuré, j'ai jamais été ému par une musique. Donc une étude scientifique lève le voile sur les ressorts de cette anédonie musicale, selon le terme scientifique. Leur découverte pourrait ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. L'anédonie qui vient du grec a, ça veut dire ça, et édoné, j'imagine que c'est édoné, plaisir, définit l'incapacité de certaines personnes à ressentir des émotions positives, comme c'est souvent le cas pendant les dépressions. Mais la découverte que des personnes en parfaite santé se révèlent incapables d'éprouver du plaisir à l'écoute de la musique est plus étonnante. Nous dit l'article, moi ça me surprend zéro, mais l'article apparemment dit que c'est surprenant, donc peut-être que je suis pas normal. Quand on écoute de la musique, comme pour tous les actes de la vie, le cerveau essaie en permanence d'anticiper ce qui pourrait nous arriver. Pour établir ses prédictions, il puise dans la mémoire et fait des liens avec ce qu'on a déjà vécu ou ce qui pourrait s'en approcher. Je cite, « Le plaisir n'est ni plus ni moins que la réalisation de ce que nous avons prédit. C'est pourquoi il est si difficile de ressentir des émotions quand nous écoutons une musique inconnue pour la première fois. » En 2013, le chercheur et ses collègues ont montré que lors de l'écoute d'un morceau agréable, le dialogue cérébral augmente entre le cortex auditif et les régions sous-corticales liées au plaisir, dites de la récompense. Une année plus tard, les mêmes chercheurs ont cherché à dessiner le profil hédonique d'un millier de volontaires, c'est-à-dire le niveau de plaisir individuel atteint lors de différents stimuli, tels que la musique, la nourriture, le sport, le sexe, etc. Afin d'évaluer leur plaisir à l'écoute d'un extrait de musique, des capteurs mesuraient leur sudation, la transpiration, leur rythme cardiaque et leur respiration. C'est de cette manière qu'ils ont découvert des personnes ne ressentant aucune émotion à l'écoute de la musique. Contrairement aux personnes qui n'ont pas l'oreille musicale, les anédoniques musicaux distinguent les notes et perçoivent parfaitement les rythmes et les mélodies. Je pense que je suis pas pire là-dedans. Ils font également la différence entre les musiques gaies, tristes ou mélancoliques, même quand elles leur sont totalement inconnues, ça va aussi. Sauf que leur approche musicale est purement intellectuelle, ils restent de marbre. Pas de sudation, pas de variation de rythme cardiaque ou de la respiration. Les chercheurs évaluent que 2 à 3% de la population serait concernée. Eh, je me fais peur moi-même. Pour leur étude récente, les scientifiques ont recruté 45 participants qui ont été répartis en 3 groupes, les hyperhédoniques musicaux, donc les plus réactifs, les anédoniques musicaux et les personnes standards. Ces cobayes ont été placés dans un appareil d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle afin d'observer l'activité de leur cerveau quand ils écoutent de la musique, mais aussi quand ils jouent au poker à ces 2 stimuli activant les circuits cérébraux du plaisir de manière similaire. Les images ont montré un manque d'activité du noyau accumbens, structure sous-corticale essentielle du réseau de la récompense à l'écoute de la musique chez les anédoniques musicaux. Je cite, l'expérience a en revanche montré que ces personnes avaient une réponse émotionnelle au jeu d'argent et qu'ils pouvaient même prendre des risques. En dehors de la musique, ces hommes et ces femmes sont donc tout à fait capables de ressentir ces émotions. Voilà. C'est vraiment cool, vraiment intriguant. Il y a d'autres détails, quelques paragraphes qui vous restent à lire si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com. On va devoir terminer là-dessus. Malheureusement, j'ai d'autres nouvelles qu'on pourra faire la semaine prochaine pour l'autre bloc de Merci Science. Allez voir les liens sur assemblagerequis.com. C'est dans les notes de l'émission d'aujourd'hui, de la semaine du 24 avril, donc émission numéro 157. On s'écoute un petit peu de chiptune avec Mr. Triac. Voici un drôle de signal. C'est Strange Signal. Tout de suite au Mathieu Planche. Geschichte. Mein Abenteuer. Lauter Buben on deck. Angeheuert. Wie ein Pirat. Plastik wie was. Holy shit. Der heilige Gral. Down im Untergrund. Der verbreitet wie Bambu. Weitläufiges Gebiet. Pokémon Kanto. Ein Team. Wie Banjo. Kazooie. Doch mit mir Fahndung. Thunderbird avec Pixel Panda Anthem, précédé de Strange Signal par Monsieur Triac ou Mathieu Planchot. Et maintenant, c'est le segment Geek Cynix. Cynix, la chronique dans laquelle on parle de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Et cette semaine, thématique robot. On commence avec l'équipe de volleyball du Japon qui s'entraîne avec des robots. Les robots ne sont pas aussi efficaces que les humains sur bien des points, hein. Pas d'instinct, pas d'intuition, mais ils ont d'indéniables qualités physiques, la force, la rapidité et l'absence de fatigue, nous dit Uber Gizmo. Ces qualités les amènent à prendre bien des rôles auprès de l'espèce humaine. Au Japon, les entraîneurs ont adopté les robots pour entraîner leurs équipes de volleyball. Les robots sont utilisés simplement, comme assez simplement, ils bougent dans des directions programmées et possèdent d'immenses bras qui leur permettent de bloquer les tirs des joueurs et joueuses de l'équipe qui s'entraînent. Le but du jeu est d'entraîner les joueurs ou les joueuses à régler leurs tirs pour qu'ils ne soient pas bloqués par l'équipe adverse, mais comme on l'a dit, jouer contre un robot, c'est pas tout à fait comme jouer contre un humain. Les entraîneurs ont dans l'idée de recourir à des robots bloqueurs qui posséderaient plus de sensibilité dans le mouvement, plus de fluidité afin qu'ils soient un peu plus crédibles dans leurs déplacements, et d'introduire également un peu plus d'imprévus. Pour le moment, les robots peuvent se déplacer à une vitesse de 3,7 mètres par seconde, une rapidité qui leur permet de justifier leur utilité. Le Japon n'est pas le seul à avoir expérimenté l'utilisation de robots pour l'entraînement sportif. Aux États-Unis, les robots accompagnent déjà les footballeurs dans leur entraînement. Maintenant, la Russie apprend un robot à tirer au pistolet, mais ce n'est pas un Terminator, nous disent-ils. La Russie est depuis quelque temps à l'œuvre pour apprendre à un robot à tirer au pistolet de ses deux mains. Certains s'inquiètent que le pays ne veuille développer une machine de combat qui pourrait être utilisée dès que la situation l'exige. Mais pour le premier ministre russe, Dmitri Rogozin, il dit « Nous ne fabriquons pas un Terminator ». Le robot, les choses qu'ils font pas les Russes, hein, selon leur dire. Le robot baptisé Final Experimental Demonstration Object Research sera envoyé dans une mission solo dans l'espace en 2021. S'il apprend actuellement à tirer au pistolet de ses deux mains, c'est pour améliorer ses fonctions motrices et ses facultés décisionnelles, selon ses créateurs. Fedor est le fruit du travail d'Android Technics et du Advanced Research Fund. Il sait déjà notamment visser des ampoules, utiliser des clés et des outils ou conduire une vraie voiture. Les ingénieurs ont déjà fait remarquer qu'il pourrait tout à fait servir des missions militaires, mais ce n'est pas l'impression que veut en donner la Russie pour l'instant. Ensuite, des robots autonomes bipèdes combattent pour la première fois. Hein, on va se faire mener par les robots un jour. Donc au Japon, lors de la célèbre compétition Robo One, s'est déroulée une grande première. Des robots humanoïdes bipèdes autonomes se sont affrontés en duel. Le style de combat laisse à désirer, nous dit Futura Science, mais l'efficacité est bien là. On connaît la passion des Japonais pour les robots, qu'ils aiment particulièrement voir s'affronter lors de compétitions de danse, de sport ou même de combats sumo. Parmi ces événements très prisés figure la compétition Robo One, créée en 2002, qui permet aux prises des robots humanoïdes bipèdes qui s'affrontent en duel. Cette compétition, qui a été déclinée en plusieurs éditions, vient pour la première fois de s'ouvrir à des robots autonomes. Les adversaires s'affrontent en duel sur une arène ouverte, l'objectif étant de faire chuter l'opposant. Pour participer à ces combats, les robots doivent peser au maximum 5 kg et embarquer tous les capteurs nécessaires à un fonctionnement complètement autonome. Les concepteurs n'ont pas lésiné sur les moyens, recourant à des systèmes très sophistiqués. Par exemple, certains robots étaient équipés de caméras dites « temps de vol », ce qu'on appelle « time of flight », qui produisent un éclair de lumière afin de calculer jusqu'à 60 images secondes le temps que cet éclair met pour voyager jusqu'à l'objet visé. Lors de cette Robo One Auto, 16 robots ont participé à 12 combats. La petite vidéo sur assemblagerequis.com offre un condensé de la compétition que l'on peut voir en intégralité via YouTube. Tous les combats n'ont pas offert la même intensité et dans certains cas, l'affrontement n'a même pas eu lieu car les robots ne parvenaient pas à situer l'adversaire ou chutaient tout seuls. Ah, ça illustre l'ampleur du défi technique que représente la programmation et justifie tout l'intérêt de cette compétition, nous dit-on. Le vainqueur de cette première édition est le robot Kobis à l'allure d'une poupée manga, suivi de Sunshot et de Garou. Oui, Garou a participé à ça. Rendez-vous donc l'année prochaine pour découvrir les progrès de ces gladiateurs électroniques. Ah, bonne nouvelle ici, un humain peut aimer un robot. Dans une expérience où des volontaires ont visionné des images des personnes ou de robots qui se font mal aux doigts, les candidats ont éprouvé de l'empathie pour les deux. En parallèle, des experts s'inquiètent des relations sentimentales qui naîtraient entre humains et humanoïdes. Peut-on tomber amoureux d'un robot? Ce scénario a déjà été envisagé dans le film Ex Machina, où un programmeur tombe amoureux d'une femme androïde, mais ceci pourrait ne pas être loin de la réalité. Dans une expérience parue dans Nature, des chercheurs japonais ont montré par électroencéphalogramme que des humains éprouvent vraiment de l'empathie pour les robots. L'empathie joue un rôle important dans la communication sociale car elle permet de comprendre les émotions des autres. Précédemment, des études sur les électroencéphalogrammes ont révélé les caractéristiques de ce processus au niveau des ondes cérébrales. Par exemple, si l'individu observe des photographies exprimant la douleur, cela induit une amplitude des ondes P3 plus large. P3 ou P300 correspond à une onde qui survient 300 millisecondes après le stimulus et qui représente une modification de l'activation des réseaux neuronaux. Dans cette expérience menée par l'Université de technologie de Toyohashi et l'Université de Kyoto, les chercheurs ont mesuré par électroencéphalographie l'empathie de 15 volontaires qui ont regardé des images montrant soit des humains, soit des robots dans des situations douloureuses où ils se coupaient le doigt. Ouais, les chercheurs ont alors observé que la phase descendante de l'onde P3 était plus importante avec le stimulus douloureux que sans, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un robot. Les sujets éprouvaient de l'empathie pour les robots comme pour les humains. En revanche, la phase ascendante de P3 était augmentée avec le stimulus douloureux uniquement pour les images montrant une douleur humaine. Les scientifiques ont donc désormais des preuves neurophysiologiques de la capacité des humains à éprouver de l'empathie pour des robots. Cependant, d'autres experts s'inquiètent des sentiments que des humains pourraient développer à l'égard de robots, comme une chercheuse en éthique de la robotique à l'Université de Montfort à Leicester. Elle exprime notamment son inquiétude vis-à-vis du développement des sexbots, des robots sexuels, avec des modèles dont l'apparence et les rôles qu'ils sont supposés jouer, oui, soulèvent de nombreuses questions, évidemment. Ensuite, un humain corrige les erreurs d'un robot. Une équipe du MIT a créé une interface neuronale directe qui permet à un humain de corriger les erreurs d'un robot par la pensée, simplement en le regardant agir. Un dispositif prometteur qui pourrait grandement simplifier les interactions homme-machine. Dans de nombreux domaines, la robotisation ne va pas remplacer les humains, mais plutôt venir augmenter leurs capacités en les déchargeant de tâches pénibles ou fastidieuses. De fait, l'homme et la machine ne seront pas des rivaux, mais des collaborateurs. Et l'un des enjeux actuels est de faire en sorte de créer un dialogue le plus fluide possible. Dans cet échange, l'intelligence artificielle joue un rôle central en permettant aux robots de progresser par l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, grâce auquel il accumule une forme d'expérience. Mais cette expérience doit pouvoir aussi se parfaire en temps réel, sur le terrain. Il faut donc que la personne puisse corriger les erreurs d'un robot aussitôt qu'il les constate. Le plus évident serait l'échange verbal, mais la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle n'ont pas encore atteint un niveau de spontanéité équivalent à celui de deux humains dialoguant entre eux. L'une des pistes explorées par les roboticiens est le contrôle d'un robot par la pensée via une interface neuronale directe. Mais là encore, ce type de dispositif nécessite une gymnastique mentale spécifique qui n'est pas adaptée à un contexte professionnel. C'est là que l'innovation de chercheurs du MIT, ça c'est le Massachusetts Institute of Technology, et de l'Université de Boston, pourraient changer les choses de façon radicale. Ils ont développé un système qui détecte l'activité cérébrale spécifique lorsqu'une personne constate une erreur. En résumé, le fait de penser à une erreur suffit pour indiquer au robot qu'il doit corriger son action. Le dispositif repose sur la lecture de l'activité cérébrale via un casque électroencéphalogramme couplé à un algorithme d'apprentissage automatique qui classe les ondes cérébrales en temps réel dans un délai de 10 à 30 millisecondes. Il va repérer les signaux cérébraux appelés herpes, oui comme herpes, herpes, ça veut dire error related potentials ou potentiels liés aux erreurs qui se produisent dès que notre cerveau identifie une erreur. C'est dans le cadre d'une étude, les chercheurs du CSEL, le Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory du MIT et de l'Université de Boston qui ont travaillé avec le robot Baxter de Rethink Robotics. Et vous pouvez aller voir la vidéo et les détails du test sur assemblagerequis.com. On dit que ce type de contrôle cérébral pourrait être utilisé avec les robots industriels, voire même les voitures autonomes. Ces travaux ont fait l'objet d'un article scientifique qui sera présenté en mai lors de l'IEEE, qui est l'International Conference on Robotics and Automation. Donc ça s'en vient au mois de mai. Encore une fois, assemblagerequis.com pour les liens vers ces articles. Et c'est tout pour le bloc CNX. En fait, c'est pas juste tout pour ça, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis entre 15h et 17h. On est en rappel, mes heures de diffusion vont changer pour les rediffusions. On entre dans la session d'été très bientôt. Donc, surveillez le cifou.ca. J'anime aussi Assemblage Requis tout l'été, les jeudis, entre 14h et 17h. Notez le nouveau jour pour la diffusion en direct. Programmation sur cifou.ca, note de l'émission et balado diffusion sur assemblagerequis.com de la part de Samuel Girard et de toute l'équipe effective du Mathieu Plante Show. Avec Mathieu Plante, c'est de Mathieu Plante. Vous avez été planté. Audiomatique suivi pour les auditeurs du mercredi. Et on se quitte avec Just Been Warp Zone. Et la pièce de Collapse of the Monarch. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.